Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, La Commune de Paris, dernière révolution avant la République, une série d'Anaïs Quien réalisée par Somanina. Au départ de cette série, il y a une commémoration, une histoire qu'on connaît mal et une révolution devenue fantasme, légende ou bouc émissaire, mais qui surtout vit encore. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne qui se réjouit des amis de la Commune, un scénariste qui raconte, un historien de l'art qui regarde, un historien qui démêle, un autre qui tire des fils, une autre qui détricote, des étudiants communards et un metteur en scène qui brode. Ensuite, le décor, une livraison, la République, la monarchie, une basilique, des photos, des ruines, le marxisme, le féminisme, le Second Empire, des héritages, une université occupée du jazz, des haines recuites et des désillusions. Aujourd'hui, 4e épisode, on écoute des archives. La Commune, c'est les travailleurs, moi je sais pas. L'urbanisme, c'est ce qui se passe dans la cité, administratif. Qu'est-ce que c'est qu'un communard ? Un communard, ben, c'est une expression qui devrait pas exister à l'heure actuelle, parce que on est tous plus ou moins communards, et je crois que c'est la plus belle chose qu'il y a sur Terre. Ben, je sais bien que c'était quelque chose qui s'est passé à Paris, mais vous savez, j'étais si jeune à l'époque. Eh oui, les Français n'ont pas la mémoire des dates, surtout quand il ne s'agit pas de victoire sur l'ennemi. L'idée, c'est pas de commémorer, voilà, parce que commémorer, ben, c'est... En fait, Ludivine Bantigny. C'est embaumer, quoi. Quand on commémore, on veut quand même essentiellement mettre au tombeau, quoi. Voilà, c'est fini, hein, ça c'est terminé. Or, bah, comme on l'a dit beaucoup, la Commune, elle réapparaît de manière assez vivante. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi d'en faire des livres un peu vivants. Parce que la Commune n'est pas morte. Ah, on le voit de plusieurs manières. Il y a d'abord lors des manifestations auxquelles on participe, comme la fête de l'UMA, par exemple. Jean-Louis, des amis de la Commune de Paris. La fête de la Commune qu'on organise ici, c'est beaucoup de jeunes qui viennent poser des questions sur la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie participative? Comment fonctionnait la Commune au niveau démocratique? Donc c'est abordé très souvent. Il y a encore un ou deux ans, les manifestations de Gilets jaunes qui reprenaient des mots d'ordre de la Commune. Donc, en ce moment, ça surgit de partout sans arrêt. À Blois, on participe au rendez-vous de l'histoire, hein, c'est tous les ans, et c'est un moment de contact privilégié, notamment avec des professeurs, des jeunes qui viennent, des jeunes qui passent ici, qui écrivent des articles, etc. C'est... Ouais, j'ai l'impression qu'on... Ah oui. Est-ce qu'on peut vous interrompre 5 minutes parce qu'on a une livraison importante qui arrive de... Bonjour. Excusez-nous. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est dans les cartons? Notre agenda pour le 150e. On vous montrera. Hop. Quel rôle peut-on donner à la Commune parce qu'on la voit réapparaître un peu partout? C'est une référence qui devient très familière aujourd'hui, alors que c'était peut-être un épisode de l'histoire qu'on avait un peu relégué parmi ceux auxquels on s'intéressait un peu moins dernièrement. Pourquoi cette résurgence, d'après vous? Peut-être parce que... Raphaël Messant, graphiste et scénariste. Elle ne parle pas que de la Commune de Paris, mais elle parle de la fondation de notre République. En 1870, s'est constitué ce qui est devenu notre régime républicain, qui a pris plusieurs noms, plusieurs numéros. Et ça s'est constitué donc d'abord le 4 septembre 1870, mais ça s'est vraiment fondé, et c'est ça qui a été pour moi le plus surprenant, par l'écrasement de la Commune de Paris. C'est à partir de ce moment-là que le régime républicain s'est mis en place. D'abord à Versailles, par des gens qui n'en voulaient pas, qui étaient des monarchistes qui rêvaient de rétablir la monarchie. Et ils ont été obligés de se plier finalement à cette idée de république, parce qu'on ne pouvait plus revenir en arrière, parce que les communards avaient tellement exigé ça, et ça s'était répandu un peu partout en France, avec des communes de province qui ont eu aussi leur importance. que le rétablissement de la monarchie a échoué et que les monarchistes, les députés monarchistes, ont eux-mêmes voté les lois organiques de la République à Versailles. Et donc, ce qui s'est mis en place, c'est une République, non pas la République sociale dont rêvaient les communards, mais la République de l'ordre social. C'est une République versaillaise qui s'est mise en place à partir de l'écrasement de la Commune en 1871. Et cette République versaillaise, on vit toujours dedans. Nous sommes à une époque où il y a une demande de plus en plus forte de parole et de participation. Michel Vinocq. Les citoyens d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a 50 ans. Ce sont des gens qui veulent avoir en main leur propre destinée, qui ne font pas confiance a priori aux élus et qui veulent par conséquent, créer leur propre existence par des lois qui ne viennent pas d'en haut, qui leur tombent sur la tête, mais bel et bien par leur propre volonté. Alors, quant à mettre au point institutionnellement un tel désir, c'est bien compliqué. Mais c'est une tendance. Et après tout, se référer pour nourrir cette tendance, cette motivation, ce désir de démocratie directe, il n'est pas faux de faire allusion à la Commune de Paris. La Commune représente aussi un espoir social. Hein, Laure Godineau. Et un espoir de changer le monde. Donc, les communards disaient eux-mêmes mettre fin au vieux monde. Hein. La Commune de Paris, dernière révolution avant la République. 150 ans après, une révolution qui survit à ses morts. Anaïs Quien, Somanina. La Commune de Paris n'est pas une révolution contre, mais le début d'une longue discussion. La République, d'accord, mais laquelle et comment ? La Commune n'est pas morte, elle bouge encore. D'autant plus ces dernières années où on l'a vu citer aux quatre coins du monde. De Paris à Auckland, en passant par les ronds-points des Gilets jaunes et le bateau de sauvetage des réfugiés en Méditerranée de l'artiste Banksy. L'incendie des Tuileries, Louise Michel au bagne en Nouvelle-Calédonie, les totems de la Commune sont là et part, mais sa postérité, longtemps restée limitée, ressurgit aujourd'hui partout. Au moment de son 150e anniversaire, la Commune s'est tendance. Seulement 72 jours, et pourtant, elle a laissé derrière elle de nombreux héritages, y compris celui érigé par ses ennemis. Des églises, des grandes, des petites, des charniers, des amnistiers qui portent la Commune en eux et qui ont écrit autant que leurs adversaires. Si les Versaillais ont construit un monument pour l'expier, le Sacré-Cœur, le véritable monument de la Commune est un monument de papier. Un massif de témoignages et de livres de récits qui la relaissent sans cesse depuis sa chute pour l'empêcher de disparaître et transmettre l'espoir vertigineux qu'elle avait laissé entrevoir. Aussi étrange que cela puisse paraître, la basilique du Sacré-Cœur ne fait aujourd'hui pas partie de la liste officielle des presque 2000 monuments historiques parisiens. Une anomalie pour un site visité chaque année par 10 millions de touristes et fidèles, et qui s'explique d'abord par son architecture controversée. Mais le Sacré-Cœur traîne depuis longtemps un autre poids, celui de l'histoire. Sa construction a été décidée après la défaite de 1870 contre les Prussiens, pour expier les erreurs du passé. Mais un an plus tard, c'est la Commune de Paris. Et avant même que la première pierre ne soit posée, l'endroit est le théâtre d'un épisode sanglant. C'est là que le peuple s'empare des canons de l'armée. 25 000 communards seront massacrés en représailles. Pour les défenseurs de la Commune, la basilique insulte donc sa mémoire. Là, on est en train d'honorer les bourreaux, mais on punit encore les gens de la commune qui ont lutté pour une république universelle, pour une société d'égalité. Dans ce contexte, certains avaient même réclamé plus ou moins sérieusement la démolition pure et simple du Sacré-Cœur. Ce ne sera définitivement plus possible avec ce classement aux monuments historiques qui devrait être effectif avant la fin de l'année. Alors, il y a très longtemps, j'étais rentrée au Sacré-Cœur, c'était en avril 68 avec ma correspondante. C'est la dernière fois que vous êtes rentrée. La seule fois où je suis rentrée au Sacré-Cœur. Françoise Bazir, des amis de la commune. Et je me souviens avoir vu, en me retournant pour sortir, un petit panneau qui disait que c'était pour expier les crimes de la commune. Alors, est-ce qu'il existe toujours ce panneau? Je ne sais pas, j'y suis pas retournée. Donc pour nous, faire ça à la veille du 150e anniversaire, c'est vraiment une provocation. C'est quand même pas un hasard. Le Sacré-Cœur, quels que soient les motifs qui ont présidé à sa construction compliquée d'ailleurs. Éric Fournier. Aujourd'hui évoque-t-il encore l'ordre moral, quelque chose d'anticommunard et pour qui? Le Sacré-Cœur, c'est un monument imposant, à la lourde mais reconnaissable silhouette, qui est depuis longtemps familière aux Parisiens et aux touristes. Et il suffit de se balader alors, hors période de confinement au pied du Sacré-Cœur pour voir qu'il échoue à faire régner l'ordre moral. On a des festivals de selfies, des touristes qui boivent du champagne à 14h parce que ça c'est Paris, des vendeurs à la sauvette, une foule bruissante. Enfin, on voit pas trop de quel ordre moral il est encore le gardien. Et pour qui évoque-t-il encore la répression de la commune? Bon, essentiellement pour les partisans ou les promoteurs de la mémoire de la commune. Donc dans une certaine mesure, le Sacré-Cœur contribue à rappeler cet épisode sanglant de l'histoire de Paris. Donc dans ces conditions, ne pas le classer au monument historique, bon, il faut mieux l'entretenir que de le détruire, ça coûterait encore plus cher. Et surtout, pour moi, c'est une mémoire froide de la commune, des combats d'arrière-garde, également portés par un anticléricalisme très important. Bon. Et par ailleurs, la mémoire de la commune, les enjeux mémoriels autour de la commune se sont depuis longtemps déplacés hors de la butte Montmartre, dans d'autres espaces de lutte, beaucoup plus actuels, beaucoup plus présents. Donc dans tout ça, le Sacré-Cœur m'apparaît comme devenu tout à fait secondaire. Parmi les industries qui reprenaient vie au milieu des cendres, la photographie a été la première, peut-être, à se signaler. À peine s'occupait-on d'embrigader l'armée des travailleurs qui allait avoir à déblayer les édifices incendiés, dont les pompiers disputaient encore les débris, que déjà le photographe avait commencé son œuvre. Ernest Lacan. La barricade comme image emblématique de la commune et comme image photographiée, c'est vraiment des images qui comptent. Bertrand Tillier, historien de l'art. C'est pas du tout des barricades faites pour la photographie, qui n'auraient été qu'une sorte de décor, mais ce sont des sortes de barricades exemplaires qui sont très propices à la mise en image. La masse des photographes sont des photographes qui vont revenir après la semaine sanglante, à la faveur de la fin de la commune, et qui vont en effet photographier la commune, mais qu'est-ce qu'ils vont photographier? C'est plus du tout l'événement, ils vont photographier les ruines. Il y a une espèce de mode, de vogue pour la vue de ruines, la vue gravée, la vue dessinée, la vue peinte aussi d'ailleurs, et la vue photographique. On vend des photographies à l'unité, mais aussi des albums photographiques, des ruines de la Cour des Comptes, des Tuileries, de la colonne Vendôme, de l'Hôtel de Ville, des ruines de tous les bâtiments qui ont été incendiés ou endommagés pendant la semaine sanglante. D'ailleurs, c'est une des seules qualités qu'on laisse aux communards, c'est leur talent. Pour créer ces ruines. Ces photographies, elles ont aussi joué ce rôle. Alors après, c'est la question de leur réception, de leur circulation. C'est-à-dire qu'évidemment, les communards les ont vues comme des photos très nostalgiques, en quelque sorte, de ce qu'ils avaient réussi à accomplir, hein, de brûler les Tuileries. C'est évidemment un symbole très fort. Et puis, il y a l'autre lecture, qui est une lecture anticommunarde, en quelque sorte. C'est-à-dire le constat. Voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont détruit. Et donc l'image devient aussi là une preuve à charge d'une entreprise de destruction et de ruine de la société, du pouvoir, du Second Empire, de la stabilité politique de la France, etc. Qui est celui d'une sorte d'attitude peut-être plus mélancolique, attachée à l'histoire des ruines, c'est-à-dire les ruines, ça suscite de la mélancolie, et on commence à esthétiser ces ruines. Ce qui est nécessaire, c'est que les honnêtes gens voient sans voile jusqu'à quel point les scélérats qui ont incendié Paris osent pousser encore aujourd'hui l'impudence et le cynisme. Ce qui importe aussi, c'est que l'international ne puisse pas un jour, comme les plus intelligents de ses chefs essaient de le faire aujourd'hui, chercher à décliner la responsabilité de l'insurrection du 18 mars, des arrestations arbitraires, des pillages, des assassinats et des incendies qui l'ont suivi. Le Paris des travailleurs, avec sa commune, sera à tout jamais célèbre comme le précurseur d'une nouvelle société. Ces martyrs ont leur place dans le grand cœur de la classe ouvrière. Ces exterminateurs sont déjà cloués au pilori éternel de l'histoire. Et toutes les prières de leurs prêtres ne pourront les en arracher. Karl Marx. Comment cette lecture marxienne, marxiste, va influer sur la postérité de la Commune de Paris? Alors, ce qui est intéressant, c'est que la guerre civile en France est un pamphlet d'intervention politique rédigé dans l'urgence, en juin, parce qu'il voit les massacres opérés. C'est assez court. La moitié de ce pamphlet est consacrée avec un grand talent du reste à la dénonciation de la République de Versailles. Aujourd'hui, nous dirions que Marx maîtrise l'art de la punchline, parce qu'on ne dirait pas comme ça l'auteur du Capital, mais il était redoutable, en fait, dans son genre. Et l'autre moitié est consacrée à la défense et à l'illustration de la Commune de Paris, dans laquelle, finalement, il développe assez peu, il se sent forcé de défendre cette révolution en train d'être écrasée. Donc, deux choses importantes pour la postérité. Il en fait l'aurore des révolutions à venir. Alors c'est très intéressant, puisque finalement cette révolution que l'on considère aujourd'hui, l'historien, plutôt comme une forme de crépuscule, hein, c'est Jacques Rougerie qui avait posé cette image, le brillant et vivant crépuscule d'un cycle révolutionnaire commencé en 1789, Marx dit non, cette révolution, elle annonce les révolutions du XXe siècle. Tous les ans, le peuple de Paris vient saluer au Père Lachaise devant le mur des fédérés, la mémoire des héros de la Commune massacrés au cours des journées de mai 1871. Cette année, le souvenir des martyrs de la Résistance était associé à celui de leurs aînés, morts eux aussi pour la liberté. Jamais cette manifestation traditionnelle n'avait rassemblé une foule aussi nombreuse. Devant le dernier survivant de la Commune qui a pris place dans la tribune officielle, des centaines de milliers d'hommes et de femmes ont défilé pendant près de 7 heures. C'est le mouvement ouvrier qui va s'en charger. Hein, pendant des décennies, les organisations libertaires, anarchistes, socialistes, les syndicats aussi, bien sûr, dont la CGT en premier lieu. Ça va être d'ailleurs une mémoire très internationale et très internationaliste. Elle va être aussi portée par les internationales, la première, puis la deuxième. Et ensuite, relayée et accompagnée à l'issue du congrès de Tours en 1920 par le Parti communiste, donc qui va vraiment rappeler beaucoup cette mémoire de la Commune par justement ces rituels et puis ces références qui sont remobilisées régulièrement, par exemple. Au moment de la constitution du Rassemblement populaire qui va devenir le Front populaire. De la capitulation de Trochu à celle de Pétain, des héros de 1871 aux héros de 39-45, la similitude des uns, l'idéal patriotique des autres est semblable. Mes chers amis, une fois de plus, je veux exprimer ma gratitude à notre Fédération de la Seine. Nous sentons toujours au fond de notre pensée et au fond de notre cœur, la même affection, la même amitié, le même dévouement pour ceux avec qui nous avons travaillé ensemble pendant tant d'années et avec qui nous ne cesserons jamais de poursuivre l'œuvre commune. Drapeau rouge, poster de Marx, Lénine et Staline ont servi en dernier ressort d'abri contre la pluie, une pluie qui n'en a pas pour autant découragé l'ardeur des 25 000 ou 30 000 manifestants, selon les organisateurs, qui cet après-midi ont défilé de la place des Fêtes au mur des Fédérés au Père-Lachaise. Après avoir rendu un hommage silencieux aux morts de la Commune, un meeting a eu lieu, au cours duquel les leaders de la Ligue communiste et de lutte ouvrière se sont félicités du succès de cette démonstration de masse. Et ils n'ont pas manqué non plus de réaffirmer que c'était eux les seuls et vrais révolutionnaires. La mémoire de la Commune, elle revient spectaculairement lors du centenaire de 1971. Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, les communistes avaient un peu délaissé la mémoire de la Commune, puisqu'ils avaient mieux. Enfin, les communistes français, ils avaient la résistance. Le parti des 75 000 fusillés, etc. Donc il y a plus de martyrs et plus de victoires. Et c'est plus récent. Donc. Et elle revient en 1968, la mémoire de la Commune, avec les événements de mai, de juin, etc. Mais elle échappe aux communistes. C'est-à-dire, elle est plus le fait de cette nouvelle génération que les communistes appelleront les gauchistes, qui émergent au moment du mouvement de mai, qui défilent de façon très festive au mur des Fédérés, qui tentent de prendre d'assaut la butte Montmartre lors de l'opération Commune Vivante, qui affrontent les CRS en criant ce jour-là non pas CRS SS mais CRS Versaillais. Donc voilà. À ce moment-là, la commune, la mémoire de la commune est connectée par ces groupes d'extrême gauche à des luttes du présent. Diverses et variées, des élèves dans différents lycées tiers en France, accompagnés parfois de leurs professeurs, occupent les lycées, les rebaptisent symboliquement, lycée Louise Michel, lycée commune de Paris, etc., etc. Que se passe-t-il sur cette place? Eh bien, le mot d'ordre, c'est « faites passer ». Faites passer quoi? Eh bien, les pavés que l'on arrache à la chaussée et l'on est en train de surélever les barricades qui sont faites et qui sont, ma foi, fort bien faites. Et puis, quelques étudiants sont venus me voir et m'ont posé tous la même question. Alors, vous qui venez de l'extérieur, que se passe-t-il? Est-ce qu'ils vont attaquer? Ils, bien sûr, les membres du service d'ordre. L'atmosphère est bon enfant, mais il est certain que tous les étudiants qui sont présents, et ils sont nombreux, les étudiants et les travailleurs, me dit-on, car c'est le grand mot, les étudiants, les travailleurs, les étrangers, il faut que tout le monde sorte. Et bien, et alors l'on me dit maintenant, à l'instant même, que Jean-Luc Godard, voyez-vous ça, était ici, il a passé des pavés. Voilà. Cette idée qu'on dialogue avec le passé en 68, qu'on reprend un dialogue qui avait été interrompu. Hein. Donc la référence à la commune est très importante. On ressort des journaux Cris du peuple, on fait des spectacles de rue aussi autour de la commune, etc. Et on remobilise le vocabulaire de l'époque, en particulier les Versaillais. Hein, voilà, les Versaillais, le pouvoir, ce sont les Versaillais, etc. On a des formules qui d'ailleurs datent de la commune, mais aussi d'ores et déjà de 1848. C'est-à-dire l'ordre règne, voilà, c'est quelque chose qu'on entend en juin 1968 lorsqu'il y a des morts dans des usines ou autour de ces usines, Pierre Bellot, Henri Blanchet, Gilles Totin. Voilà, c'est l'ordre règne, comme on l'avait dit à l'issue de la semaine sanglante. Il y a autour du centenaire de la Commune de Paris en 1971 beaucoup de rassemblements, mais c'est gigantesque. Hein, là, les marches au mur des Fédérés, c'est vraiment des centaines de milliers de personnes. Hein. Et puis aussi des groupes, par exemple des groupes femmes qui se réfèrent à la Commune, et c'est assez C'est à la fois émouvant, assez spectaculaire, comme un effet d'emboîtement des temps, puisque les femmes de 1971 citent les femmes de 1871, qui elles-mêmes citent les femmes de la Révolution française. Donc, d'un siècle à l'autre, on a le sentiment, justement, d'un dialogue, et les femmes de 1971, qui s'organisent comme féministes dans des groupes femmes, veulent mobiliser, justement, cette histoire, pour aussi sortir de l'invisibilité, le rôle des femmes, la place des femmes, le protagonisme actif des femmes dans toute cette histoire. Et la Commune est particulièrement puissante en la matière, puisque les femmes ont été vraiment très nombreuses, très actives et pleines de projets en 1871. La Commune, c'est peut-être une réponse qui permet de retrouver un modèle commun pour beaucoup de gens. Jean-Louis Robert. Depuis la fin de l'URSS, la fin du modèle communiste ou communiste stalinien ou communiste étatiste, qui référait comme révolution pour beaucoup 1917, comme un mythe fondateur, si on veut. Ce mythe fondateur a pris beaucoup et s'est considérablement affaissé, ce qui se comprend parfaitement. Donc il y a peut-être des recherches déjà dans l'avant, qu'est-ce qui peut nous ancrer. Parce qu'il y a toujours quand même une recherche d'identité qui s'articule dans le passé, dans une forme de progrès qu'on cherche. Voilà, donc il y a probablement dans ce retour à 1871 quelque chose qui est lié à ça, même si les révolutionnaires russes se revendiquaient de la Commune, mais c'est une autre histoire. Ce qui est étonnant, c'est que c'est vraiment le 21e siècle qui voit le retour de cette demande de Commune de Paris, de cette référence à la Commune de Paris. Il y a ce côté-là qui était effectivement une recherche historique qui a peut-être commencé avec cette histoire de la fin de l'Union soviétique et d'un certain modèle de socialisme. Plus largement, je pense que c'est quelque chose qui est lié à la crise que nous vivons. C'est-à-dire que là, il y a une crise, une incertitude dans la société actuelle. Et la Commune apparaît quand même comme une période... Moi, personnellement, je le verrais comme un formidable laboratoire d'expérience démocratique et sociale. I belong completely to the social revolution. Hello, welcome. My name is Louise Michel. I'm an organizer with Occupy Oakland. I've been with this occupation from day one. I want to welcome you. We stand here at the intersection of Telegraph and Broadway. Elle s'est rebaptisée Louise Michel. Yes, I took part in it. I wish to oppose the invader from Versailles to the Bay of Flames. Elle est une des figures marquantes du mouvement Occupy à Auckland, contre les abus du capitalisme financier et les violences policières aux États-Unis au cours de l'automne 2011. I am told that I am an accomplice of the commune. Certainly. Yes, since the commune wanted more than anything else, the social revolution. And since the social revolution is the dearest of my desires, more than that, I have the honor of being one of the instigators of the commune, which, by the way, had nothing, as is well known, to do with the murders and arson. On l'a vu ressurgir aux États-Unis dans le mouvement Occupy Oakland, hein, c'était resurnommé Oakland Commune. Quentin de Luermoz. La Commune, on l'a vu réutiliser aussi à Mexico, hein, pendant les mouvements de Oaxaca en 2006. Mais je pense que si ces résurgences-là ont lieu dans ces pays-là, c'est pas pour rien non plus, c'est que c'est les pays où, en fait, la référence à la Commune a été très tôt intégrée dans l'histoire locale et nationale. Immédiatement. Après, il y a eu plusieurs strates qui se sont mises en œuvre à une échelle plus globale. C'est vrai que la relecture soviétique a quand même transporter la référence à la Commune sur les continents africains et asiatiques qui étaient moins concernés dans la période que moi j'ai étudiée. Mais ce qui est quand même très moi ce que je trouve même fascinant, c'est la capacité de l'événement à traverser les périodes et à continuer à faire sens différemment en fonction des périodes. C'est-à-dire que dans les années 1970, Lorsqu'on parlait de Commune de Paris, on pensait plutôt à la lutte des classes et une révolte urbaine. Aujourd'hui, les réappropriations de la Commune de Paris se font plutôt pour manifester des formes de souveraineté populaire par le bas, défendre des idées de territoire alternatif, qui soit une ville ou pas, ça peut être une place, une rue. Bon, en France, on connaît bien, sur les ZAD notamment, on l'a vu à Nuit Debout, qui avait renommé la place de la République place de la Commune de Paris. Il est possible qu'on soit en train de faire quelque chose. Oui, il y a bien quelque chose de profondément commun entre les Goodyear, les Conti, les Air France, les cheminots en lutte qui étaient à Tolbiac hier. Et avec tous les étudiants qui contemplent la travéreuse qui les attend. Et les lycéens qui suivent de près. Elle a été très présente au moment de Nuit Debout. Mathilde Larère. Sur la place de la République, justement, avec des graffitis qui faisaient cette référence. Et ces graffitis à la Commune étaient présents dans le mouvement des Gilets jaunes, ont été présents dans le mouvement à Bure, hein, contre le centre d'enfouissement des déchets nucléaires, avec à Bas-les-Ducs, vive la Commune, dans la grande manifestation de juin à Bar-le-Duc. Donc ça revient. Moi, je le vois dans les graffitis. Je le vois même la vue, quoi. Je le vois aussi parce que, Nuit Debout, moi j'avais organisé avec d'autres personnes Éducation Populaire Debout, et quand on faisait des présentations sur la Commune, les gens venaient, étaient très intéressés, se posaient les questions. Les amis et amis, eux, de la Commune ont ouvert un stand assez vite à Nuit Debout et ont été tout à la fois surpris et ravis de voir l'accueil qui leur était fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est présent. Du mouvement social, du mouvement. Évidemment, la Commune n'est pas hégémonique, c'est une référence parmi d'autres dans un répertoire de gestes, de mémoires que les militants mobilisent. Dans les cortèges de tête à partir de la loi travail de 2016, mais aussi, c'était particulièrement frappant, lors de l'occupation du site universitaire de Tolbiac appartenant à Paris 1 en 2018, sans doute l'une des plus longues occupations de sites universitaires par les étudiants, au moins depuis mai 68, ils l'avaient spontanément rebaptisé la Commune de Tolbiac. J'avais eu l'honneur de faire la première conférence autogérée là-bas, parce que précisément c'était sur la Commune, donc je disais oui, il faut, enfin faites-le, invitez-le, quoi. Dans un registre un peu plus déterminé et subversif, une banderole avait été apposée: si les flics entrent, point de suspension, les pétroleuses, point d'exclamation. Donc, en gros, promettant une riposte féministe et incendiaire à une éventuelle intrusion policière. Enfin, c'est à la fois, ça connecte la mémoire de la Commune, et on voit à quel point c'est pas une lutte présente, c'est incandescent. Enfin, la promesse de cette banderole, c'est pas ronronnant, quoi. C'est qu'il faut quand même le noter. Bienvenue dans cette première autoconférence de l'automédia de la Commune libre de Tolbiac. Alors, pourquoi un automédia et pourquoi une autoconférence? Nous avons constaté depuis le début du mouvement que notre parole n'était soit pas relayée, soit complètement détournée par les médias classiques. Du coup, nous avons décidé de nous saisir de cette question de communication, de produire nos propres images, de produire nos propres contenus qui seront publiés sur tous nos réseaux sociaux et qui seront évidemment relayables par les journalistes. En 2018, Nina et Nico faisaient partie des étudiants de Tolbiac qui ont occupé leur université en la rebaptisant Commune libre de Tolbiac. Bonjour. Ciao, vous allez bien? Ça va et vous? Merci. Super, pas de rien, ça fait plaisir. Alors Nico, racontez-moi, qu'est-ce que ça charriait dans votre imaginaire, cette histoire, cette mémoire de la Commune de Paris, dans votre mouvement la Commune de Tolbiac? Vous, Nina aussi, vous étiez là. Qu'est-ce que ça vous évoquait? En fait, cette référence à la Commune de Paris, je pense qu'il y a déjà une première chose, c'est une volonté de s'éloigner de la référence à mai 68, pour plein de raisons, qui est beaucoup plus clivante aujourd'hui, et de revenir sur un passé encore plus lointain, et effectivement aussi sur cette idée de commune, c'est-à-dire de s'insérer dans un lieu, de le défendre, et dans ce lieu-là, de recréer des nouvelles formes de vie avec l'autogestion notamment et par l'éducation, choisir nous-mêmes nos cours, de déterminer ce qui sera à l'ordre du jour quand on avait déterminé aussi des programmes pour la journée, pour la semaine. Et pourquoi mai 68 c'est plus clivant aujourd'hui que la Commune de Paris ? Parce que mai 68 c'était beaucoup trop, je pense, étudiant. Alors que justement la Commune de Paris c'est les gens qui vivent à Paris, c'est les Parisiens, c'est des habitants. C'est, du coup, c'est pas le même enjeu non plus. La communauté de Tolbiac avait une idée, bon, qui est peut-être utopique, mais qui était que on voulait aussi faire participer les habitants du quartier. Ils étaient invités à venir pour manger, bien sûr, avec des cantines populaires, etc., mais assister à des débats, assister à des cours. Enfin, c'était une volonté d'organisation de vie, en fait. Et ça a marché ? Bah, les CRS nous ont un peu empêchés, on va dire. J'ai l'impression que depuis 2016, avec le mouvement contre la loi travail, qui avait été le dernier grand mouvement avant la mobilisation de 2018, peut-être un peu avant aussi, on assiste à une véritable lamination du modèle de la contestation estudiantine à la française, dont le modèle est justement mai 68. Du coup, le fait de proposer cette définition alternative qui, voilà, se recoupe avec l'histoire de la Commune, mais pas que, c'est un peu un symptôme d'une série de ruptures entre groupes plus ou moins organisés dans les facs qui, voilà, se réfèrent au passé militant de leur ville, de leur fac, de manière différente. Il y a peut-être quelque chose aussi du côté de l'image de la Commune, de l'image, mais aussi de son histoire, de son essence même, c'est que finalement, il n'y a pas de héros. Mais oui, il y a cette idée-là, bien évidemment, mais ça, c'est un truc aussi récurrent dans les milieux autonomes. Pas de leader charismatique, le groupe, le collectif fait l'action, pas un individu. Pourquoi il y avait cette nécessité de regagner l'autonomie ? Où est-ce qu'elle avait été perdue, d'une certaine façon ? Bah, je dirais que la tradition militante en France a la particularité d'être très encadrée dans des structures qui existent depuis longtemps. Nous, on avait beaucoup à faire avec le NPA, par exemple, qui voilà, a été fondé il y a 10 ans, mais il y a une longue histoire derrière. Il y a l'UNEF, bien évidemment, il y a plein d'autres orgas. La progressive libéralisation de la gauche française a globalement participé à ce besoin de redécouvrir des modèles alternatifs, ça c'est sûr. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on était au début du mandat à Macron, mais qu'on venait juste avant d'un gouvernement PS, et ça a sûrement contribué à ce phénomène. Je parlais tout à l'heure de la démocratie. Bon, la démocratie de la Commune. Comment faire une démocratie qui concerne la démocratie représentative, mais où le peuple puisse intervenir. Il y a des tentatives de la Commune, comment faire en sorte que les citoyens se réunissent, participent, puissent peser sur les décisions, qui sont extrêmement, extrêmement intéressantes, qui n'ont pas toutes réussi, hein, il ne s'agit pas d'embellir la vérité, mais qui sont bien réelles. De la même façon que la Commune a élu, c'est une question actuelle, qui est toujours posée, peut-on donner le droit de vote et d'élection aux étrangers ? Ils ont été clairement favorables à donner la citoyenneté aux étrangers. Parce que quand vous habitez à Paris, vous êtes citoyen de Paris. Donc, puisque vous êtes citoyen de Paris, vous avez pouvoir exercer les droits de citoyen. C'est quelque chose de très français, ça, de lier absolument la nationalité et la citoyenneté. Eux distinguent. Bon, la nationalité, de toute façon, c'est pas leur problème. Ils considéraient qu'à partir du moment où un homme offrait sa force et son savoir à la commune, on lui demandait pas ses papiers, il avait les mêmes droits que les autres. Jean-Louis, des amis de la commune. Et la preuve en est, c'est que l'équivalent du ministre du Travail et de l'Industrie, c'était un Hongrois, Frankel. Les principaux chefs militaires de la commune, c'était des Polonais, Wroblewski et Dombrowski. L'une des fondatrices de la première union féminine de masse, l'Union des femmes pour la défense de Paris et le soin aux blessés, c'est une jeune russe, Elisabeth Mitrieff, qui avait été envoyée à Paris en tant qu'observatrice par Karl Marx, et qui a pas, non seulement a été observatrice, mais elle a pris part, était même sur les barricades. Donc c'est quelque chose d'important pour la commune, les étrangers. Et ça, c'est un, on n'en a pas du tout entendu parler au sein des Gilets jaunes. L'Église et l'État ont, c'est par l'État et l'Église. La liberté de conscience est la première des libertés. La liberté de conscience. La liberté de conscience. La liberté de conscience est la première des libertés. La première des libertés est la liberté de conscience. L'école. Laïque. Gratuite. Et laïque. Gratuite. Et laïque. L'école. Obligatoire. Obligatoire. Obligatoire. Obligatoire. Tout le monde à l'école. Même les filles. Même les filles. Même les pauvres. Même les pauvres. Même les filles pauvres. Tout le monde. Tout le monde. Même les filles. Même les pauvres. Même les pauvres. Même les filles. Même les pauvres filles. Il faut qu'un manieur d'outils puisse écrire un livre. David Lescot, metteur en scène. En 2017, il crée le spectacle La Chose Commune avec Emmanuel Bex, une rencontre entre le jazz et la Commune de Paris. Parce que le jazz tel que le joue Emmanuel Bex avec Simon Goubert, par exemple, le batteur qui est un compagnon de route d'Emmanuel depuis toujours, moi-même j'en ai fait pas mal. C'est une école de démocratie. Je ne dis pas ça de manière trop angélique, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut absolument il faut s'écouter, il faut abolir les hiérarchies pour faire du bon jazz. Il ne faut pas que le batteur soit au service du pianiste ou de la chanteuse. Il faut vraiment développer comme une sorte d'écoute mutuelle. On connaît les thèmes, on reconnaît les figures, on reconnaît ce que l'autre a lancé. Et on y participe, on lui répond, mais il ne faut pas que ce soit trop préconçu, sinon ça s'appelle des plans, et c'est ennuyeux, c'est répétitif. C'est la canaille. C'est un art de l'instant. Eh bien j'en suis. C'est un art de l'improvisation. C'est-à-dire qu'on a lancé un thème, ou alors on a lancé une idée, et puis il faut que tout le monde l'apporte. Et dans le fond, voilà, ça pourrait être ça, la démocratie. En tout cas, artistiquement, le jazz en est une expression très, très... assez juste, je trouve. C'est le père, enfin, qui travaille. Avec aussi un engagement physique qui est proche de ce que doit être l'engagement politique, comme Pasolini disait. Je jette mon corps dans la lutte, quoi. C'est un corps, quand même, qu'on doit jeter. C'est pas seulement des idées et des pensées. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. L'expérience du jazz, de manière symbolique bien sûr, hein, on risque pas notre vie, mais enfin on la met en jeu, quoi. Et ça n'a pas, évidemment, c'est pas du tout aussi tragique que ce que vivent les gens de la commune, mais ça pourrait en être une traduction symbolique ou artistique, quoi. C'est le chant des femmes turbulentes, comme une complainte. Vigilante, combattante, morte, vive, rien, n'avons plus rien à perdre, rien, n'avons plus rien à perdre. berceau du ciel. Moitié du monde tient les remparts de la ville. Moitié du monde monte à l'assaut du ciel. Françoise Bazire, d'après vous, pourquoi il y a encore ces résistances à la valorisation de l'histoire et de la mémoire de la Commune de Paris ? Il faut, si on se remet à l'époque, il faut bien voir quand même que... Non, mais aujourd'hui, pour commencer... Mais si on ne remonte pas à l'histoire, on ne comprend pas tout à fait comment ça s'est répercuté. Hein. C'est vrai que la bourgeoisie, à l'époque, a eu une frayeur comme jamais de perdre tous ses privilèges. Donc la répression a été à la hauteur de leur frayeur, mais ça a été monstrueux. Quand on lit les témoignages, mais ça prend aux tripes. Hein. Ils ont réédité, il n'y a pas longtemps, le livre de Lisa Garay, Les 8 jours de mai, où ils racontent tout ce qu'il y a. Et quand on lit un témoignage d'une institutrice, Madame Ardouin, qui a été arrêtée en juin 71, parce qu'après la semaine sanglante, sur dénonciation, il y avait plein de gens qui étaient arrêtés, il y a eu quand même plus de 40 000 arrestations. Et cette femme institutrice a été à la prison de Versailles-Chantier, et elle a témoigné sur les horreurs qu'ont vécu les prisonniers à Versailles-Chantier. Eh ben, je peux vous dire qu'on découvre que c'est pas les Allemands qui ont inventé les wagons plombés. Hein. Quand les communards sont revenus d'exil ou du bagne, puisqu'il y, avait, y en a qui avaient réussi quand même à s'exiler, c'est en mai 82 qu'ils ont créé cette association au cours d'un banquet, parce que c'était dur pour eux, parfois ils n'avaient plus de famille. Trouver un travail, c'était très difficile. Donc effectivement, cette association a été une association d'entraide qui a évolué au fil du temps. Et tout était la possibilité de reparler de la commune, et ça pouvait être à l'enterrement d'un ancien combattant de la commune. Ils organisaient aussi le 18 mars, ils allaient au mur des fédérés le 18 mars, parce que alors ce qu'on appelle la montée au mur, elle existe depuis 1880. Et vous avez été consultée en 2016, Françoise Bazire, au moment du vote de cette résolution parlementaire sur la réhabilitation de la Alors, commune de Paris. Que je vous explique cette réhabilitation. Alors, pour le 140e anniversaire, l'association avait lancé une pétition pour la réhabilitation des communards. Et puis, en 2013, quand on a eu 10 000, enfin, je sais plus, on a eu 10 000 signatures, au moment, on s'est dit, bon, en 2013, on est allé trouver les représentants à l'Assemblée nationale et au Sénat, les représentants des groupes de gauche. On a demandé qu'il y ait quelque chose pour la réhabilitation. Donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est pas de faire une loi, parce que la loi, c'est rebond entre les deux chambres. Ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une résolution. Mais la résolution, ça doit passer dans une séance extraordinaire. Et depuis mai 2013, Patrick Blocheret essayait régulièrement de la faire passer, et ça ne passait jamais. Et puis là, il voyait la fin de la mandature qui arrivait. Enfin, il a obtenu pour le 29 novembre 2016. Il a obtenu, donc il nous a invités pour venir assister à la séance. Et notamment, il y avait Collard qui était là. Gilbert, voilà. Et qui disait, mais même Louise Michel, elle n'aurait pas voulu ça, hein, c'est pas possible. Mais des trucs, mais complètement délirants. Hein. Gilbert Collard disait ça Ah non, mais c'était... Que Louise Michel n'aurait pas voulu elle sa propre pas voulu, réhabilitation. Elle n'aurait pas voulu qu'on les réhabilite. Non, non. Donc il y a encore un discours contre les communards absolument. Aujourd'hui. Ah bah oui, mais ça, il ne faut pas rêver. Hein. Il y a vraiment des anti-communards encore aujourd'hui. Hein. Parce qu'ils existent encore, hein, les Versaillais, enfin les descendants des Versaillais. We must continue. C'est quand même particulier de se mettre sous l'égide d'une histoire où il y a eu à la fois cette guerre entre Français, entre Parisiens, et autant de morts. Entretenir un mouvement politique avec une mémoire aussi morbide, d'une certaine façon, c'est quand même se mettre à un endroit un peu particulier pour se donner les moyens, même symboliques, de tenir. C'est un peu horrible ce que je vais dire, c'est assez pessimiste, hein. Mais ça fait longtemps que les mobilisations, qu'elles soient étudiantes ou enfin, plus globalement sociales, on ne croit plus vraiment à une issue positive. Enfin, je veux dire, on ne fait pas ça pour réussir, ça se saurait. Bon, bien sûr que sur le moment, on y croit, sinon ce serait un peu triste. Mais je ne pense pas que ce soit que pour aller au retrait, parce qu'on sait que ça ne marche plus depuis longtemps. Les politiques n'écoutent plus. Quand il y a des mobilisations, regardez là avec les Gilets jaunes, il y a eu des mobilisations comme il n'y en avait pas eu depuis quand même très très longtemps, je pense. Enfin, on fait plus ça même pour une réussite, et finalement, je pense que ça fait longtemps aussi que dans les milieux militants, ce goût du morbide existe, parce que c'est le goût de l'héroïsme aussi. C'est-à-dire que des gens sont morts, mais oui, mais ils sont battus, ils sont restés. Même s'ils ont perdu. au final, ils sont restés. Et du coup, je pense que c'est ça qui est un peu loué dans les mouvements aujourd'hui. En fait, la social-démocratie française, ou ce qu'on appelle le modèle social français, se basait beaucoup sur cette présence régulière de mouvements de contestation qui appelaient au retrait et qui avaient du succès aussi en 86, en 95, en 2006 avec le CPE, voilà. Le fait d'avoir des gouvernements de plus en plus déterminés à aller jusqu'au bout de leurs réformes, avec moins d'attention au dialogue social invoqué par les bureaucraties syndicales, a sûrement contribué à une critique plus globale, plus systémique de l'État, du système économique dans lequel on vit, qui justement dépasse un peu le cadre de la seule réforme, qui est souvent plus un prétexte pour descendre dans la rue et se compter et voir sur quelle force on peut compter justement, plutôt, voilà, je ne sais pas si dans la génération 2016-2018, il y a encore beaucoup d'étudiants et étudiantes qui croient au retrait, voilà, la loi, c'est plus l'idée. That is nothing more tragic than to sleep through a revolution. C'est un cri qui sort de nulle part, une aberration, une scie pour une évasion. C'est un tambour, un tam-tam, un boucan pour les diables. C'est un ram-dam, c'est un ral-dom, un ral-bol. Une bouteille de tissu et de l'alcool. C'est un frontal, un calvaire. La gueule du sauvageon qui veut pas se taire. C'est une espèce de nasse, une promesse, mieux, une menace. C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit. C'est cette plume qui rentre au pays. La boule au ventre de colère et le changement d'attitude qui s'opère. C'est un chant qui porte la résistance en lui. C'est la canaille, et bien j'en suis. C'est un lion, c'est une panthère. Tête baissée, le poing en l'air. C'est un combat, un constat, une réflexion. Un siècle et demi après la redéfinition. C'est du piratage, sabotage. La graine de mutin, c'est de l'abordage. C'est la science du renversement. L'ennemi de l'ordre des gouvernements. C'est ici, c'est maintenant. C'est ce son dans les tympans. La conséquence, le réceptacle. L'alternative à la débâcle. C'est l'évolution, c'est l'après. C'est l'héritage, c'est la clé. Ouais, c'est ce phare qui brille dans la nuit. C'est la canaille, et bien j'en suis. C'était la Commune de Paris, 150 ans après, une révolution qui survit à ses morts. Merci à Éric Fournier, Mathilde Larère, Ludivine Bantigny, Jean-Louis Robert, Quentin de Luermoz, Raphaël Messan, David Lescaut, Bertrand Tillier, Nina et Nico, Françoise Bazir, Laure Godineau, Michel Vinoc et aux amis de la commune. Lecture, Charlotte Zotto et Philippe Saïd. C'est la canaille, et bien j'en suis, dis-le. C'est la canaille, et bien j'en suis, file. C'est la canaille, et bien j'en suis, file. Prise de son, Yann Frécy et Marie Le Peintre. Mixage, Claude Nior. Coordination, Perrine Kervran avec Marie-Vonne à Bolivie. Eh bien, j'en suis. La Commune de Paris, 150 ans après, une révolution qui survit à ses morts. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Somanina. C'est la canaille, eh bien j'en suis. Communarde, pétroleur, versaillais, républicaine ou internationaliste, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter Place Vendôme, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous nous souviendrons du confinement.